Plus tard, Dorimène, la marquise, dans ses tantis chez M. Jourdain, arrive chez lui avec Dorante pour le repas et le balai annoncé. Et on se rend alors compte que tout ce qu'offre M. Jourdain à la marquise, par l'entremise de Dorante, ne sert en fait qu'à rapprocher Dorante de Dorimène. Mais alors que M. Jourdain avait fait en sorte que son épouse soit absente lors de ses festivités, celle-ci arrive. Et après avoir reproché à Dorante de se tenir les sosies de son mari, elle reproche à Dorimène de nuire à son ménage. Dorimène s'en va, et M. Jourdain charge Dorante de faire des excuses en son nom à Dorimène. Après s'être emporté contre son épouse, de chasser de chez lui des personnes de qualité, M. Jourdain reste seul quand arrive, déguisé, Coviel, le valet de Cléante.